Donc, on est présentement avec Marianne Viau, biologiste formatrice et administratrice chez Miel Montréal. Salut Marianne. Salut Gabriel, ça va? Ouais, ben en fait, moi, je suis un peu malade présentement. Je sais pas si les gens qui vont le remarquer à ma voix, je sais pas si ça a changé vraiment, mais ça va quand même surprenamment pas si pire. C'est juste comme réellement déplaisant ce qui se passe avec mon corps présentement. Mais on s'étendra pas trop là-dessus. Mm-hmm. C'est la deuxième fois que tu viens à l'émission. Tu as été une de mes premières invitées. T'es passé l'année passée dans les épisodes 6 et 7, le 9 et le 16 juin. Pis on a parlé de la biologie des abeilles et tout ça. C'était super intéressant. J'ai reçu des compliments pour ces émissions-là. Ah, super! Mais là, je t'ai invité à l'émission cette année, cette semaine, parce que ben, j'ai vu de quoi dans les nouvelles passer. J'ai immédiatement pensé à toi. Il y a eu comme une catastrophe. Chez les apiculteurs cette année. Ouais. Une hausse extrême de la mortalité des abeilles au printemps. Je ne sais pas exactement, au printemps ou pendant l'hiver. Je me suis dit, tu étais la bonne personne pour nous en parler. Ben oui, ben en fait, je vais même déjà rajouter une spécification qu'en effet, il y a eu une mortalité record hivernale pour les ruches en rural, je dirais. Parce qu'en apiculture urbaine, on n'a pas vécu cette mortalité-là. Donc, ça va me faire plaisir d'expliquer la différence par la suite. Mais en premier lieu, oui, donc cette mortalité-là, elle a vraiment été vécue beaucoup par les apiculteurs, apicultrices qui vivent de ça, là, que c'est leur métier, leur commerce dans toutes les régions du Québec. En fait, la mortalité hivernale, depuis l'arrivée du varroa, qui est le parasite principal qui attaque toutes les colonies au Québec maintenant, on doit vivre avec le varroa comme on vit maintenant avec la COVID. Hein, comme. Mais en fait, donc depuis qu'il est arrivé dans le début des années 2000, on dit en fait que la mortalité hivernale, qui est un cas au Québec parce que nos hivers sont rigoureux, et on faut se rappeler que l'abeille domestique, l'abeille qui est dans nos ruches, en fait, elle n'est pas indigène au Québec. Hein. Elle vient de l'Europe. Donc, elle n'est pas du tout adaptée à nos froids, d'où l'intérêt, en fait, qu'elle ne peut pas survivre sans l'être humain. Et donc, c'est les apiculteurs qui s'assurent de leur viabilité et doivent donc faire des techniques pour s'assurer qu'ils survivent à nos hivers. Mais il y a toujours un pourcentage de mortalité associé. Et donc, avant l'arrivée du varroa, c'était moins de 10 %. Et depuis l'arrivée du varroa, c'était entre 20 et 30 %. Donc, ça avait déjà augmenté fortement. Mais là, cette année, on parle de mortalité de 50, 60, même jusqu'à 70 % de mortalité. Ce qui est vraiment, en fait, dramatique pour plusieurs apiculteurs qui vivent de ça. C'est catastrophique même, je pense. Est-ce qu'une colonie peut survivre à une si haute mortalité que ça? Non, ben c'est carrément en fait, quand on dit 70 % de mortalité, pour les apiculteurs, en fait, ça parle de 70 % de leurs ruches sont mortes. Donc, si, admettons, un apiculteur a 100 ruches, ça veut dire 70 ruches sur 100 sont mortes. Moi, je pensais que c'était comme le volume d'abeilles qui était dans une... Non. C'est encore pire que ce que je pensais. Exact. Ouais. Donc, quand on parle de 10 % de mortalité en temps normal, c'est 10 ruches sur 100. Exact. Fait que là, ça fait qu'il y a comme un volume, il y a pas mal moins d'abeilles pour faire le travail qu'on a besoin des abeilles présentement. Oui, donc c'est ça l'affaire, c'est que, bon, au Québec, on y a un peu plus que 400 apiculteurs, apicultrices et ils ont plusieurs rôles. Un de ces rôles, c'est justement le service de la pollinisation parce que la manière qu'on fait notre agriculture reste beaucoup en monoculture. Et donc, pour les grandes superficies de canneberges, de bleuets, de pommes, ils ont besoin qu'il y ait des apiculteurs à proximité qui amènent des ruches dans les champs pour polliniser nos fruits et légumes. Hein. On dit qu'une bouchée sur trois dans notre assiette est reliée à la pollinisation par les abeilles. Donc, en effet, vu qu'il y a eu autant de pertes de ruches, ça a un impact directement sur la pollinisation de nos fruits et légumes. Donc, ça, c'est un des premiers impacts directs. L'autre impact, c'est que tous ces apiculteurs-là essaient de se recréer des ruches, mais pour pouvoir créer leurs ruches, il faut qu'ils trouvent des abeilles. Mais tout le monde a perdu leurs abeilles, donc c'est très dur pour eux de pouvoir remettre leur cheptel. Hein. Le cheptel, c'est tout le nombre de ruches d'un apiculteur au niveau qu'ils étaient auparavant. Je saute un peu du coq à l'âne parce que je suis quand même un peu flabbergasté du 70 % jusqu'à 70 %. Mais La hausse de mortalité dans le cas de cette année est attribuée à quoi, plus exactement? Ouais. Donc, le coupable principal, mais on s'entend que le déclin des abeilles, bon, on en parle à chaque année. Puis, justement, c'est un sujet qu'on parle souvent à chaque printemps après que les apiculteurs ouvrent leur ruche et voient à quel point ils ont des pertes. Donc, c'est un sujet récurrent, mais que cette année, bon, on en parle encore plus vu qu'il y a un record. Le coupable principal qui explique pourquoi c'est aussi grand cette année, c'est vraiment le varroa que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est un acarien, hein, et c'est un énorme acarien. Tu sais, quand on parle des acariens, on parle souvent de ceux qui sont microscopiques, qui sont dans nos oreillers, puis que certaines personnes sont allergiques. Mais en fait, il en existe des milliers et des milliers d'espèces, hein, d'acariens. Et celui-ci, c'est dans les plus gros. En fait, on le voit à l'œil nu et il va se placer sur le thorax de l'abeille. Et donc, pour l'abeille, en fait, c'est un très gros parasite. C'est comme si nous, nos maringouins, ils étaient gros comme notre main, puis ils venaient se loger en plein milieu de notre dos, à l'endroit où on a de la difficulté à se gratter. Mais c'est exactement là qu'il se met pour l'abeille. Donc, l'abeille n'arrive pas à le déloger. Et l'acarien, en fait, va se nourrir de l'intérieur de l'abeille, de ses gras, en fait, pour être exact. Donc, ça ne va pas tuer les adultes, mais ça va baisser grandement leur espérance de vie. Hein, une ouvrière classique vit 6 semaines et donc, ben, ça peut vivre une semaine de moins, par exemple. Cette semaine de moins-là est très importante, par exemple, pour aller chercher plus de nectar, plus de pollen, etc. Mais ce qui est encore plus dramatique, en fait, c'est ce qu'ils préfèrent encore plus, qui est encore plus vulnérable, ce sont les larves. Hein, les larves qui sont chaudes, dans le couvain, complètement laissées à elles-mêmes. Et lorsque l'acarien va s'attaquer à ces larves-là, ça va donner en fait des abeilles déformées lorsqu'elles vont se transformer en un adulte. Et donc, ils vont soit leur manquer des pattes, des ailes, et ça va faire en sorte qu'ils ne seront pas capables de faire leurs tâches importantes pour la viabilité de la colonie. Donc, par exemple, il y aura de moins en moins de nourrices capables de bien nourrir les larves. Et ça, en fait, c'est ça qui va tuer la colonie au fur et à mesure. Comme j'ai dit tout à l'heure, les apiculteurs sont rendus habitués de vivre avec le varroa. Il y en a dans tous les ruches, sans exception, mais le but, c'est de diminuer le plus possible leur population pour que ça ait le moins d'impact possible sur la colonie. Mais le moment où les apiculteurs ne peuvent pas intervenir, c'est durant l'hiver, justement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un automne très chaud l'année dernière. Donc, ça a fait en sorte que le varroa a eu, parce que comme plusieurs types d'organismes comme les varroa, comme les acariens, ça s'est reproduit plusieurs fois durant la saison. Et donc, plus que l'été est chaud, plus qu'ils peuvent se reproduire le plus souvent, et donc ça augmente leur population et ainsi les impacts qu'ils vont avoir sur les abeilles. Et c'est exactement ce qu'on croit que c'est passé, c'est qu'il y a eu un nombre beaucoup plus grand de varroa qui se sont développés dans les ruches avant l'hiver et qui ont tout détruit, qui ont tué toutes les abeilles en fait durant l'hiver, puisqu'ils en ont tellement affaibli qu'elles n'ont pas pu supporter toute cette attaque-là, en gros. Quand on parle du varroa puis des abeilles, est-ce que ça s'attaque principalement aux abeilles de type européenne ou est-ce que les bourdons aussi vont être affectés par ce parasite-là? C'est une très bonne question. En fait, pour l'instant, on a très peu de registres sur à quel point le varroa attaque les abeilles indigènes. C'est certain que les abeilles sont des insectes volants et il y a déjà plusieurs maladies et parasites que l'abeille domestique va finir par donner à leurs voisines, comme les bourdons et les abeilles solitaires indigènes. Par contre, j'avoue que j'ai aucune observation directement associée à ça, puis j'ai pas vu d'études là-dessus, mais c'est un pensez-y bien, en effet, puis c'est bien entendu des enjeux de l'apiculture urbaine, par exemple. C'est que déjà, on crée une compétition habituellement entre les abeilles indigènes et l'abeille domestique, et là, on y rajoute en plus de ça une multiple de maladies, de parasites tels que le varroa. Ouais, c'est ça. Parce que on s'imagine que dans les types de monoculture, c'est à cause que toutes les affaires sont pareilles, qui sont plus vulnérables à certaines choses. Donc, c'est toutes des abeilles style européenne, donc sont toutes plus vulnérables à comme un type de parasite. C'est quelque chose à Ben en dire. fait, oui, mais en plus, le varroa, en fait, c'est un acarien qui vient de l'Asie à la base. Puis, comme plein de maladies, de parasites qui se sont promenés, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que nous, En apiculture, c'est rendu une industrie qui est mondiale. Hein? On promène des abeilles à travers le monde. La plupart des apiculteurs ici vont commander des reines de la Californie, d'Hawaï, de la Nouvelle-Zélande. Donc, toutes ces abeilles qui voyagent, puis on l'a vu encore une fois avec la pandémie, ça se promène vite des maladies, des parasites. Puis donc, ça n'a pas été long que maintenant, à travers le monde, le varroa est présent. Donc, ça fait en sorte que, justement, déjà l'abeille domestique européenne, à la base, ne vivait pas avec le varroa. Puis nous, notre abeille, on l'amène ici en Amérique, déjà pas adaptée à notre climat. Puis elle a un autre parasite qui vient de pas d'ici non plus. Puis là, tout ça se mélange ensemble. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, si on pense en termes de biologie, avant que tout ça s'adapte finalement ensemble. Puis en ce moment, ben ça reste la responsabilité des apiculteurs et apicultrices de veiller à ce qu'il y ait le moins de dégâts possible. Ça fait combien de temps à peu près que le varroa est présent ici? C'est-tu donc, récent? Si je me souviens bien, c'est depuis 2003. Que le varroa est au Québec. Puis ça fait juste quelques années qu'il s'est rendu jusqu'aux îles de la Madeleine. Ça faisait partie des, tu sais, les îles sont souvent plus protégées justement des voyages, puis qu'on essaie de veiller à ce qu'il n'arrive pas. Mais à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui finit par commander une abeille d'ailleurs. Puis voilà, le tour est joué. Ouais, c'est ça. Donc c'est probablement un petit contenant d'abeilles pour comme. Mm-hmm. Commencer une colonie qui a transporté ça jusqu'à, admettons, aux îles de la Madeleine. Exact. C'est la même histoire pour tout, parasite, toute maladie, comme en ce moment, le prochain qui s'en vient, que le MAPAC vérifie énormément, c'est le petit coléoptère de la ruche, qui en ce moment n'est toujours pas officiellement au Québec. Et il est à la frontière, il est rendu en Ontario. Donc, il y a beaucoup de suivi dans les ruches en ce moment pour veiller à ce qu'il ne soit pas là. Et que s'il est présent, c'est carrément, on brûle les ruches. Hein, parce qu'on veut surtout pas que ça se propage. C'est rendu là pour la protection phytosanitaire des ruchers. Phytosanitaire, j'aime quand même ça comme mot. Ouais. Fait que brûler des ruches, c'est quand même assez drastique. Oui, ben il y a certaines maladies aussi qui sont ainsi parce que c'est tellement virulent, puis ça reste encore une fois des insectes volants, donc ça prend pas long, ça peut se traîner. Tu sais, c'est mieux de par exemple, sacrifier 3 ruches que ça n'en attaque que 300 000. Ça peut aller vite, là. Mais tu as mentionné au début de l'entrevue que ça affectait surtout les ruches en campagne, les ruches rurales. Oui, en fait, ça, c'est encore une fois, c'est un fait, mais j'ai une théorie dans le sens que c'est encore trop tôt pour dire que c'est exactement pour cela. Mais nous, tu sais, à Miel-Montréal, on a eu quasiment pas de mortalité. En fait, c'est une de nos meilleures années. On a beaucoup moins de ruches. C'est ça l'affaire. C'est ça ma théorie, en fait. C'est que Miel-Montréal, en tout et pour tout, on a 50 ruches. T'sais, la plupart des apiculteurs commerciaux, c'est même pas, tu sais, le quart de ce qu'ils ont comme cheptel. Puis nous, ben, c'est pas du tout le même but aussi de la manière qu'on s'occupe de nos ruches. Notre but, c'est pas de faire une grande production de miel. Donc, c'est l'autre théorie, donc. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de ruches, ben c'est beaucoup plus facile pour nous de faire un suivi de la population de varroa très assidu et de justement faire énormément de traitements biologiques pour s'assurer que la population de varroa reste toujours basse et qu'elle ait le moins d'impact possible. Et aussi, vu qu'on s'en fout un peu pas mal de notre production de miel, pour nous, c'est un bonus parce qu'on utilise vraiment nos ruchers comme outil éducatif pour parler avec la communauté montréalaise de toutes les autres abeilles et de la biodiversité en soi, ben on se gêne pas à diviser nos colonies. Donc, lorsqu'on divise nos colonies, on divise aussi la population de varroa en deux. Puis ça nous permet toujours de baisser la quantité du parasite dans nos ruchers et ainsi que ça n'ait pas trop d'impact sur la viabilité de nos abeilles. Ah, c'est intéressant ça, parce que moi je m'imagine que si tu divises la colonie en deux, la proportion de varroa reste pareille, donc ça devrait pas changer grand-chose. Ben en fait non, puisque quand tu divises en deux, ça prend un peu plus de temps avant qu'il y ait autant de larves. Puis là dans ce temps-là, ben quand il y a moins de larves, il y a moins de varroa. Ça va vraiment ensemble parce que quelque chose que j'ai pas nommé, c'est que le varroa a une préférence d'attaquer les larves, mais c'est dans le couvain qu'il va se reproduire. C'est dans le couvain qu'il va s'accoupler. Donc, quand je dis couvain, c'est dans les alvéoles où il y a les larves. Et donc, c'est vraiment là où qu'il va s'accoupler, pondre ses œufs et ainsi produire plus de varroa. Donc, il faut qu'il y ait des larves si on veut qu'il y ait du varroa. Donc, en divisant nos ruches en deux, on diminue le nombre de larves. Ben, on les diminue pas pour la miel Montréal, mais on les diminue pour la ruche en soi. Ouais, super intéressant. Donc, la présence de larves est comme nécessaire pour son accouplement. Exactement. Donc, tu sais, il y a plusieurs techniques pour justement sacrifier le varroa de cette manière-là, dans le sens que il est pas bête, le varroa, et ça fait partie de ses adaptations avec sa proie naturelle qui est l'abeille domestique asiatique. Puis bon, ils ont à peu près le même cycle de vie, l'abeille domestique asiatique et occidentale. Donc, pour lui, c'est du pareil au même. Mais le faux bourdon, le mâle qui est dans les colonies, donc il est plus gros que l'ouvrière. Et qui dit plus gros, dit prend un plus grand moment de se développer en tant que larve avant de devenir un adulte. Et donc, le varroa, c'est ses préférés parce qu'il va être plus longtemps au chaud avec la larve, à la manger plus longtemps que l'ouvrière. Donc, le varroa va toujours attaquer en premier les faux bourdons avant d'attaquer des larves d'ouvrières. Donc, ce qu'on fait, nous, de ce côté-là, c'est qu'on met des cordes de faux bourdons. Donc, on fait exprès de mettre des cordes avec des plus grosses alvéoles, parce que la reine, lorsqu'elle voit des alvéoles plus grosses, elle dit « Ah ben, c'est parfait, c'est là que je vais mettre des faux bourdons parce qu'ils sont plus gros. » De toute façon, il aurait fallu que je fasse des plus grosses alvéoles. Donc, lorsqu'il y a des grosses alvéoles, la reine pond automatiquement des œufs de faux bourdons. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attend une dizaine de jours et juste avant que les faux bourdons éclorent, en fait, ça prend 24 jours avant que les faux bourdons éclorent, mais en 10 jours, ben les larves sont assez bien développées, le varroa est clairement déjà dedans. Donc, on va sacrifier ces larves-là, on va les mettre au congélateur ou si on a des poules, ben là, c'est une belle façon de faire un cycle et donc de nourrir les poules des larves et du varroa avant de le remettre dans la colonie. Donc, les faux bourdons, tu sais, leur seule utilité, c'est de se reproduire avec des princesses qui sont des futures reines, et il y en a pas beaucoup dans une ruche, là. Donc, c'est pas grave pour les fonctions vitales de la colonie de sacrifier des faux bourdons. Donc, c'est une des techniques utilisées en régie biologique. Essentiellement, les faux bourdons sont utiles seulement pour un apiculteur quand il veut continuer une ruche ou quelque chose de même. T'sais. Exact. Il est surtout important pour les éleveurs de reines, par exemple. Parce que la plupart des apiculteurs, en fait, vont même pas faire leur propre reine pour s'assurer justement d'avoir une génétique intéressante. Par exemple, au Québec, on essaye de plus en plus d'avoir des reines québécoises. C'est compliqué justement à cause de notre saison estivale qui est courte, mais il y a certains apiculteurs qui se spécialisent là-dedans et c'est eux vraiment qui vont s'assurer d'avoir des reines justement qui sont hygiéniques. Puis justement, c'est une des caractéristiques qu'on essaie d'avoir de plus en plus pour combattre le varroa, c'est la reine qui donne la personnalité de la ruche. Et donc, si elle est propre, hygiénique, comme on dit, ça veut dire qu'elle va donner comme trait de personnalité à ses abeilles le fait de tout nettoyer tout le temps dans la ruche et de se frotter. Et en se frottant, elles enlèvent du varroa. Et donc, elle permet de diminuer la population de varroa, puis aussi de sentir lorsque, par exemple, il y a des larves infectées pour carrément les sacrifier rapidement pour pas qu'elles prennent de l'expansion dans la colonie. Donc ça, c'est le trait de caractère qu'on dit hygiénique. Donc c'est une des choses que les éleveurs de reines, ils font des tests avec leurs jeunes reines, voir si elles ont cet attribut-là avec leurs ouvrières qu'elles ont faites naître. Et si ça fonctionne, bien c'est ce genre de caractéristiques qu'elles vont continuer à développer avec d'autres reines. Donc ça, c'est vraiment de la génétique 101, là. Ouais, ben justement, on va parler un petit peu de génétique parce que ça m'intéresse quand même pas mal. Il y a des particularités ici qu'on peut cibler vraiment avec les abeilles parce que comme on en parlait l'année passée, je sais pas si vous en souvenez à la maison, essentiellement les abeilles, ça n'a pas un gros cerveau, ça a très peu de neurones, ça contient pas un esprit analytique ou comme des mémoires nécessairement particulièrement avancées. Donc ses comportements sont probablement programmé par la génétique. Mm-hmm. Il y a vraiment encore beaucoup de recherches qui se font là-dessus parce que c'est vraiment impressionnant. On dit que, par exemple, il y a 300 gènes de l'abeille qui sont destinés à l'agressivité. Et que, puis bon, il y a bien entendu les gènes qui sont souvent présents, mais qui vont seulement être allumés lorsqu'il y a un facteur environnemental associé. Donc justement, ces 300 gènes-là sur l'agressivité vont pas être mis de l'avant nécessairement, vont pas être activés naturellement, mais si dès qu'il y a une moufette, par exemple, qui va attaquer une ruche, ben là, par exemple, il y en a une centaine qui vont s'activer d'un coup. Et plus que l'attaque est présente et plus les autres gènes vont s'activer en conséquence et ça va augmenter l'agressivité de la colonie. Mais il y a des reines qui, naturellement, vont avoir déjà une centaine de gènes agressifs et qui vont le passer à les générations d'abeilles qu'elles vont faire naître et qui va faire que naturellement une ruche va être plus agressive qu'une autre. Ouais, juste une petite parenthèse, on avait parlé encore une fois l'année passée, les abeilles ont cette capacité-là justement d'activer des gènes, donc des caractéristiques épigénétiques comme sur le moment. Comme on sait que l'épigénétique, ça fonctionne sur le développement des gens, etc. Comme quelqu'un qui a eu, une enfance plus traumatisante va avoir des activations épigénétiques qui vont faire en sorte que tu aies une plus grande anxiété ou quelque chose de même, etc. Mm-hmm. Mais les abeilles, eux autres, ils peuvent juste comme activer une série de gènes quand comme un facteur environnemental arrive, donc c'est épigénétique. Ouais, ben c'est ça, mais c'est pas pour rien qu'on dit que c'est des excellentes sentinelles de l'environnement. Elles sont très, très sensibles aux variations environnementales et vont donc vraiment changer drastiquement de comportement et même physiologiquement selon les besoins. Donc, c'est ça, on dit souvent que les abeilles, c'est comme si elles avaient 7 adolescences et entre chaque... parce que chaque phase a une tâche particulière, mais aussi des glandes particulières qui se développent dans l'abeille. Et donc, par contre, si drastiquement il se passe un événement dramatique, justement, par exemple un pesticide qui fait en sorte que d'un coup, toutes les butineuses, qui sont habituellement les plus vieilles abeilles, meurent d'un coup, eh bien, il va avoir une accélération de la transformation des plus jeunes abeilles pour qu'elles passent de... non-voyante. Les abeilles naissent, elles ne voient rien, elles utilisent leurs antennes pour se promener dans la colonie, à voir de plus en plus rapidement pour pouvoir aller plus rapidement butiner les fleurs. On sait un peu que la génétique va régir le comportement des abeilles, donc on peut sélectionner potentiellement une série génétique ou une souche génétique qui va être comme plus facile, qui va combattre plus facilement le varroa. Oui, ben c'est l'espoir de plusieurs chercheurs là-dessus. Je sais qu'à l'Université Laval, ils font beaucoup de recherches à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'ils espèrent faire. Ils sont rendus justement, je pense, à l'étape à tranquillement donner des reines à plusieurs apiculteurs pour voir l'effet de leur sélection appliquée, maintenant qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus dans leur laboratoire. Est-ce que ça fait longtemps que cette recherche-là a fonctionné? Oui, ben je suis ça depuis au moins, je dirais, ça doit faire presque une dizaine d'années là qu'il y a ces idées-là qui sont présentes chez plusieurs chercheurs et qui est l'envie justement d'avoir plus une autosuffisance apicole, tu sais, qu'on arrête justement d'être dépendant des reines californiennes et que tout doucement on crée notre propre cheptel de reines québécoises. La plupart des apiculteurs, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au printemps, lorsque une reine n'a pas survécu à l'hiver, on n'a pas le choix à ce moment-là d'avoir des reines qui viennent de l'hémisphère sud. Mais idéalement, à ce moment-ci de l'année, moi, par exemple, dans mes ruches, ben là, je remplace mes reines exotiques par des reines québécoises. Puis ça, c'est une des façons aussi de... Vu qu'elles sont québécoises, elles sont déjà plus adaptées aux rigueurs de nos hivers. Tu sais, une reine californienne, elle a jamais vécu l'hiver. Donc, elle va avoir tendance, par exemple, à pondre lorsqu'il va commencer à faire froid, ce qui est une erreur puisque ces abeilles-là n'auront pas de raison d'être en tant que telles. Habituellement, ce qu'il faut, c'est que la reine arrête de pondre à partir de novembre et que toutes les abeilles qui restent s'occupent de la colonie. Parce que s'il y a trop d'abeilles, c'est pas mieux parce qu'elles vont manger toutes les réserves de miel trop rapidement et c'est là qu'elles vont mourir de faim avant le début de printemps. Donc, avoir des reines qui ont déjà... tu sais, instinctivement plus l'idée de ce qu'est-ce qu'un hiver et vont donc ainsi pas pondre à partir de novembre. Ça aide grandement aussi la survie de la ruche en tant que telle à l'hiver. À titre d'information, on sait que les abeilles, c'est une travailleuse normale, travailleuse, je sais pas, butineuse, ça a une durée de vie de 6-7 semaines. Mm-hmm. Une reine, ça vit combien de temps? Naturellement, on dit entre 5 et 6 ans, mais bien entendu, avec tous les facteurs qui, en ce moment, diminuent drastiquement l'espérance de vie des abeilles, ça touche aussi l'espérance des reines. Donc, maintenant, on dit plus 2-3 ans et la plupart des apiculteurs vont carrément changer leur reine à chaque année pour s'assurer d'avoir la production la plus grande dans leur ruche. Puis, on peut changer une reine sans trop de problèmes? Ben c'est pour un apiculteur expérimenté, ça fait partie de leur routine, bien entendu. Mais pour des apiculteurs débutants, bien entendu, c'est toujours, il y a toujours un risque en fait. T'sais, c'est certain parce que même en fait quand tu as de l'expérience, en théorie c'est facile, en pratique les abeilles elles font ce qu'elles veulent. Hein, donc même si en théorie tu fais tout ce qu'il faut pour qu'elles acceptent leur nouvelle reine. Elles peuvent décider de ne pas l'accepter, de la tuer, et là, t'es mal pris. Ça, c'est sûr. C'est toujours un risque de changer sa reine. Okay, parce que tu dis ça comme si c'était... Oh, on change les reines, puis c'est comme si c'est pas un problème. Moi, je trouve ça fascinant dans le fait qu'on peut changer un élément central d'une colonie comme ça, avec risque, bien sûr, mais sans trop de problèmes. Mm-hmm. Mais ça fait partie, malheureusement... de la routine d'un apiculteur, à chaque année, on remplace des reines. C'est pas une partie de plaisir, c'est toujours plate à faire, mais ça fait partie de la game, entre guillemets, dans le sens, c'est ça. Moi, la plupart des apiculteurs, en fait, sans que vous le sachiez, on reçoit toutes des reines dans notre poste, là. C'est vraiment ça qui se passe. Mais c'est ça. C'est sûr qu'en apiculture urbaine, on a moins une vision productive, puis si j'ai une bonne reine, je vois pas pourquoi je la changerais. Mais dès que je vois que justement la ponte est de moins en moins régulière et que les abeilles ont l'air aussi d'être de moins en moins fidèles à leur reine. Elles font de plus en plus de cellules royales, donc c'est un signe qu'elles veulent changer de reine. Mais que vu qu'on est en ville, on les laisse pas les faire elles-mêmes parce que ça voudrait dire que la moitié de la ruche va s'en aller. Puis 50 000 abeilles à Montréal, c'est pas quelque chose que tout le monde serait prêt à accueillir. D'un coup, un bel essaim. Puis, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'elles sont pas indigènes, ben un essaim perdu, c'est un essaim qui risque de mourir. Donc, bref, c'est une responsabilité des apiculteurs urbains de bien veiller à éviter ce qu'on appelle l'essaimage, ce que je viens d'expliquer. Puis, donc, une de ces façons de faire, c'est justement de diviser les ruches de manière artificielle au lieu de naturelle et ainsi ajouter des nouvelles reines. Puis, qu'est-ce que ça veut dire exactement avoir des reines québécoises? C'est comme des bonnes reines du terroir, là. Mm-hmm. Ouais, donc c'est ça. Donc, c'est aller écrire aux quelques éleveurs de reines qui existent au Québec et leur commander une reine. Donc, justement, qui travaillent fort à avoir une génétique typiquement québécoise. Donc, qui sont les éléments que j'ai nommés. Donc, hygiénique. Qui comprend un peu plus le concept de l'hiver, hein, qui va donc ralentir son mode de vie durant l'hiver. Et aussi, bon, on essaie d'avoir des abeilles qui sont à la fois douces, hein, que ça soit agréable de travailler avec elles, et productives, parce que faut se rappeler que la plupart des apiculteurs du Québec, ça reste leur gang-pain. On parlait plutôt de la haute mortalité des abeilles en campagne pour les producteurs, les apiculteurs. Qu'est-ce qui se passe présentement pour essayer de comme régler le problème? Est-ce que ça a dû causer la panique, avoir une mortalité d'à peu près 70% des ruches? Ben, 60-70% des ruches? Oui, exact. Écoute, moi, j'ai quand même été impressionnée de la réactivité aussi, autant des médias, ça c'est sûr, mais... de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui, habituellement, c'est très rare que je les entends parler d'apiculteurs, parce qu'il reste que 400 apiculteurs, c'est très peu de producteurs versus toutes les autres types de production au Québec. Ça reste un métier qui est moins traditionnel qu'en Europe, par exemple, où ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose par rapport aux abeilles, il y a des manifestations d'apiculteurs par milliers, alors qu'ici, on est juste 400, donc l'impact n'est pas le même, malheureusement. Mais l'Union des producteurs agricoles est sortie dans les médias, a fait un communiqué de presse, etc., ce que j'ai trouvé bien. Puis, donc, ils ont demandé à ce que, justement, les ministères réagissent pour compenser ces pertes-là directement aux apiculteurs. J'avoue que j'ai aucune idée ce qui se passe au niveau du MAPAC en ce moment. Je sais qu'ils voulaient trouver des solutions. Puis je pense qu'ils vont mettre beaucoup d'argent dans la recherche justement pour accélérer autant cette recherche-là sur la génétique d'abeilles plus hygiéniques, mais aussi sur des traitements plus efficaces contre le varroa. Le MAPAC, ça, c'est... c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé dans un restaurant pendant quelques mois, puis... Voilà. On entend parler. C'est ça, donc, ça fait autant l'inspection des aliments que tout ce qui est règlement agricole, etc. Est-ce qu'il y a des traitements... il doit y avoir des traitements contre le varroa qui sont assez efficaces. Ben, c'est sûr que moi, je connais beaucoup mieux ceux de la régie biologique parce que même si en apiculture urbaine, on peut pas être certifié bio, Miel Montréal, on fait comme si. On utilise vraiment tous les principes écologiques. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est au printemps, c'est de l'acide formique. Donc, c'est un acide, comme son nom le dit, qui vient à la base des fourmis. Donc, c'est un acide naturel, entre guillemets. Et donc, mais même cela, il faut y aller avec précaution, hein, parce que ça reste de l'acide et on peut quand même se brûler. Ça reste un des acides les plus faibles. C'est pas, on est très, très loin, tu sais, des grandes acides qu'on verrait en chimie, etc. Mais bref. Donc, c'est une histoire de dose qui fait en sorte que ça ne va pas tuer les abeilles, mais que ça va tuer les varroas. Donc, on fait des traitements chocs, qu'on dit des flashs. Donc, on imbibe un peu d'acide sur des tampons qu'on met en dessous de la ruche. Et c'est par évaporation que l'acide rentre dans la ruche et va avoir une répercussion sur les varroas qui vont mourir, en fait, et tomber sur le plateau en bas. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait au printemps pour tuer le plus possible la population qui s'est développée durant l'hiver. Et à l'automne, on réagit un peu plus fort, on augmente un peu le type d'acide avec l'acide oxalique, qui est aussi un acide qui vient des plantes. La rhubarbe, par exemple, on en fait beaucoup, hein, d'où son goût acidulé. Donc, c'est à peu près le même principe, mais là, on met l'acide directement dans la ruche pour réagir encore plus, un peu plus brutalement, mais en essayant le plus possible que ça n'ait pas d'impact sur les abeilles. Mais c'est tous des acides qu'on dit alimentaires, hein, qu'on pourrait ingérer et ne pas s'intoxiquer. Et le fait de le faire à l'automne, ça n'a pas empêché cette année d'avoir comme un développement de varroa? Exactement. Puis la prévention, ça compte beaucoup aussi. Ce qui se passe beaucoup, moi, ce que je fais énormément dans mes ruches, c'est compter le nombre de varroas. Donc, ce qu'on fait, c'est que justement, on a un plateau en arrière, en dessous de la ruche, c'est ça que où je fais les traitements d'acide. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la vaseline sur ces plateaux-là et je vais compter le nombre de varroas, par exemple, sur 5 jours. Et ça va me donner une idée de combien il y a de varroa dans la colonie et si je dois faire un traitement ou non. Parce que le but, c'est sûr que si on n'a pas besoin de traiter, on le fera pas parce qu'on veut pas non plus stresser nos abeilles pour rien. Mais malheureusement, de plus en plus, c'est quasiment obligatoire de faire au moins un traitement, puis de faire ces comptages-là, ça nous permet de savoir la gravité de la situation puis à quel point on va faire des traitements. La vaseline, c'est pour mieux voir les varroa? C'est pour qu'ils restent pris, dans le fond, parce qu'ils vont tomber. Sur le plateau, et là, ils vont rester pris. OK, parce qu'ils ne sont pas morts nécessairement, ils peuvent... Non, c'est ça, parce qu'en fait, y a le plateau, il y a un grillage, puis justement, les abeilles l'utilisent de plus en plus pour se gratter et déloger les varroas. Et il y a ce qu'on appelle la chute naturelle, donc il y a certains varroas, parce qu'eux, ils ne sont pas volants, hein, ils s'agrippent sur les abeilles, mais des fois, ils vont tomber, et ils vont donc tomber sur le plateau. Intéressant. Les varroas, ce n'est pas les seules choses qui guettent les abeilles. Non, malheureusement. Sont en grave danger, je pense, depuis plusieurs années. On en parle beaucoup. Il y a le syndrome. C'est comme ça que ça s'appelle, le syndrome de chute ou de... Le syndrome d'effondrement des colonies, oui, exact. Oui, c'est ça, tu sais, il y a plein d'éléments, en fait, qui font en sorte que ça existe. Le syndrome d'effondrement, on pointe beaucoup du nez les pesticides, hein, les fameux néonicotinoïdes et tous leurs amis similaires, donc les pesticides qu'on dit systémiques. Donc, c'est lorsque les agriculteurs, puis encore aujourd'hui, malheureusement, ça reste une norme pour plusieurs cultures qui sont enrobées du pesticide en soi. Et donc, lorsque la graine germe, elle absorbe l'insecticide et donc toute la plante en tant que telle le devient jusqu'à la fleur. Et donc, lorsque l'abeille ingère le nectar de la fleur, elle ingère des bonnes quantités de l'insecticide en soi et va mourir. Puis bon, il y a aussi les résultats secondaires de ça, et qu'il y a une poussière lorsqu'ils répandent les semences, et cette poussière, elle est soluble dans l'eau. Et lors, donc, dans les flaques d'eau à proximité des terres agricoles, et on dit maintenant que malheureusement 80% de nos cours d'eau au Québec ont des néonicotinoïdes et autres insecticides dans l'eau. Mais c'est en très petite quantité. Donc, ce qui se passe, c'est que les abeilles, bien entendu, comme tous les animaux, doivent boire de l'eau, et donc vont boire cette eau-là et avoir ce qu'on appelle une intoxication chronique. Donc, ça va pas les tuer, mais tranquillement, ça va venir affecter leur système nerveux, parce que c'est comme ça que fonctionne cet insecticide. Il vient attaquer le système nerveux des abeilles, et tranquillement, elles vont se désorienter. Et ainsi, elles n'arrivent plus à retourner à la colonie. D'où le fait qu'on nomme l'effondrement des colonies, c'est lorsqu'un apiculteur ouvre une ruche et qu'il n'y a quasiment plus d'abeilles à l'intérieur, parce qu'elles n'arrivent plus à retrouver leur chemin. Ouais, c'est ça. C'est quand ça commençait à arriver, c'était un mystère au début. Tu sais, c'est comme les colonies se dispersent, puis les gens ne savaient pas pourquoi. Ouais, exact. Fait que ça, c'est une des problématiques. En ce moment, Santé Canada a pas tout empêché encore, malheureusement, les néonicotinoïdes, mais empêche maintenant que ça se fasse dans tout ce qui est légumes et fruits qui vont être pollinisés par les abeilles. Donc, tout ce qui est directement pollinisé par les abeilles ne peuvent plus avoir de néonicotinoïdes, ce qui est une première victoire, mais par contre, ça n'empêche pas l'intoxication chronique, comme j'ai nommé, que toutes les grandes cultures de graminées, hein, le blé, l'avoine, le canola... Non, pas le canola, parce que ça, c'est justement... une fleur qui est bonne pour les abeilles, mais toutes ces produits céréaliers surtout, ben en fait ils continuent à c'est des immenses cultures en plus, et ils continuent à appliquer énormément de néonicotinoïdes qui se ramassent dans nos cours d'eau, qui intoxiquent les abeilles. Quand on remarque qu'une ruche commence à avoir des symptômes d'un effondrement, y a-t-il quelque chose à faire ou il faut recommencer à zéro? Ben, tu sais, faut se dire qu'une abeille, ça va absolument, c'est en moyenne entre 3 et 5 km de diamètre qu'elle va aller butiner, dans des endroits où il y a vraiment pas beaucoup de place, ça peut aller jusqu'à maximum 7 km. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est dans ce rayon dans ce diamètre-là que se passe le pesticide en soi. Donc, une des façons de faire, c'est soit de carrément déplacer la ruche drastiquement plus loin dès qu'on commence à avoir des symptômes, ou de essayer de voir la provenance et de parler avec la personne qui émet les pesticides, pour soit au moins faire entendre que lorsqu'ils mettent le pesticide en soi, que de le savoir la veille pour y ait des apiculteurs qui doivent carrément fermer l'entrée de leur ruche, empêcher leurs abeilles de sortir le temps que l'arrosage se termine. Ou sinon, ben c'est ça, de les sensibiliser à trouver des alternatives à la façon qu'ils arrosent leur champ. Moi, ça m'est arrivé au début de ma petite carrière d'apicultrice amatrice, là. Mais il y a 9 ans de cela, au cégep de Saint-Laurent, écoute, on est un cégep, premier rucher éducatif, puis, tu sais, on est en plein dans le moment où on est comme, waouh, c'est génial, l'apiculture en ville, parce qu'il n'y a pas de pesticides. Mais malheureusement, notre ruche a été intoxiquée, puisqu'en arrière, il y a un cimetière. Et le cimetière... a un problème de vers blanc. C'est un grand cas classique. Et donc, la plupart, en fait, des problématiques de pesticides en ville, c'est relié au gazon. Énormément de semences de gazon sont enrobées de néonicotinoïdes parce que, justement, c'est un graminé qui ne fait pas de fleurs qui sont intéressantes pour les abeilles. Donc, ils ont tout à fait le droit de les enrober de ce pesticide-là. Puis justement, le gazon, c'est une des plantes préférées des vers blancs. C'est pas pour rien que les gens ont des problèmes de vers blancs, c'est parce qu'ils aiment trop le gazon. Donc, si vous voulez pas de vers blancs, mettez pas de gazon. Mettez du trèfle à la place. C'est bon pour les abeilles et les vers blancs n'aiment pas le trèfle. Bref, tout ça pour dire que nos ruches ont été intoxiquées à cause de ça. Par la suite, on a expliqué le tout aux cimetières qui se sont sentis extrêmement mal et ont changé leur façon de faire à partir de là. Mais pour nous, les abeilles, il était trop tard. On commençait à apprendre l'apiculture, donc le temps qu'on fasse les analyses chez un vétérinaire et tout ça, il était vraiment trop tard pour celles-ci. Mais à partir de l'année prochaine, on a pu continuer le rucher et ne plus avoir d'abeilles intoxiquées. On va parler de gazon, limite. Le gazon, c'est un peu comme, c'est une plaie moderne, là. C'est pas quelque chose qui existe. Le gazon, c'est un ordre de plantes qui existe naturellement, mais sur les terrains, en ville ou n'importe où, où est-ce qu'une maison, que les beaux gazons verts bien coupés, c'est pas naturel. C'est nous, on entretient ça pour avoir une esthétique particulière. Puis souvent, exact. C'est pas nécessairement des espèces qui sont faites pour être de même. Il y a des problèmes en Californie parce que le gazon n'est pas indigène à là-bas, mais ils entretiennent des gros, gros, gros gazons avec de l'eau qu'on a de moins en moins. Puis, fait que le gazon, c'est un problème en soi pour les ressources et tout. Au début de l'année, il y a eu comme une demande qui a été faite pour que les gens ne coupent pas leur gazon pour pouvoir aider les abeilles. Exact. Oui, c'est ça. Mais en fait, ne pas tondre le gazon, c'est donc laisser les plantes spontanées qui sont beaucoup souvent des bonnes alliées des abeilles pousser, telles que le fameux pissenlit. Donc, le pissenlit, c'est une des premières fleurs qui est très riche en pollen au printemps. Et les abeilles, en fait, elles ont vraiment besoin de beaucoup de pollen au printemps parce que c'est leur protéine. Et sans ces protéines-là, la reine ne peut pas pondre d'œufs et ne peut pas créer des larves qui sont viables. Donc, pour avoir une colonie qui se remet de l'hiver, hein, qu'on a bien expliqué que c'est difficile pour elles l'hiver en soi, ben il faut qu'elles aient beaucoup de pollen. Et le pissenlit, c'est vraiment leur première grande source. Donc, en tondant constamment notre gazon, on empêche la répartition des pissenlits. Puis bon, il y a malheureusement juste une mentalité de penser que le pissenlit, c'est une mauvaise herbe qu'il faut se débarrasser. Mais si on la voyait à la place comme une herbe qui est bénéfique, une fleur à abeilles, hein, au lieu d'une mauvaise herbe, ben là, ça pourrait vraiment changer facilement la façon qu'on voit ben le pissenlit en soi, puis comment les abeilles peuvent bien se nourrir en ville. Parce que c'est ça l'autre problème, en fait, tu sais, on a parlé des pesticides, on a parlé des parasites, mais un autre problématique en soi, c'est la perte d'habitat. Pour les abeilles, parce que les abeilles ont besoin, ben leur alimentation principale, ce sont les fleurs avec le nectar et le pollen. Et donc, que ce soit les monocultures qu'on parlait tout à l'heure, hein, qui fait en sorte que c'est des déserts alimentaires la plupart du temps, parce que, tu sais, des immenses champs de bleuets, c'est bien beau qu'il y ait une fleur de bleuet, mais celle-ci, elle va durer que quelques semaines. Puis le reste du temps, c'est rien du tout. Et ben c'est comme si on nous forçait à manger du brocoli pendant des semaines, on tomberait malade, mais c'est la même chose pour les abeilles, elles ont besoin d'une variété, une diversité de fleurs à manger. Et donc en ville, ben c'est le contraire, c'est le béton et le gazon qui règnent, sont tout autant non nourrissants pour les abeilles. Donc le fait de laisser justement le gazon faire d'autres fleurs hein, que celle-ci parce que lui il est pas très utile, et ben ça l'aide énormément ces abeilles-là à se nourrir correctement en ville. Parce que même le Mont-Royal qui est le joyau vert de Montréal, il est pas du tout nourrissant à la base si on ne laisse pas le trèfle et le pissenlit fleurir autour du lac du Castor par exemple. Ouais, le concept d'une mauvaise herbe, c'est généralement assez relatif. Il y a des exceptions quand même, mais c'est pas parce que le pissenlit soit considéré comme une mauvaise herbe, c'est juste question esthétique. C'est ça. Puis je fais beaucoup de conférences là-dessus, puis dès que les gens comprennent, tu sais, parce qu'on dirait qu'on s'est tellement mis dans la tête que le pissenlit c'est laid, mais personnellement, moi je trouve ça magnifique. Tu sais, je pense que C'est simplement, il faut changer les mentalités et tranquillement, les, tu sais, la plupart des enfants adorent cueillir des pissenlits, puis c'est en vieillissant que tout à coup on les haït. Mais c'est parce qu'on nous a dit qu'il fallait les arracher, que c'était mauvais. Mais si on, au contraire, on les voit comme des belles fleurs jaunes qu'on n'a même pas besoin d'entretenir, elles apparaissent tout seules. Et en plus de ça, mais c'est ça, elles sont super magnifiques, autant pour les abeilles que pour nous seules. C'est des excellentes plantes pour nourrir les sols et ça va faire que ton gazon va être plus beau après si tu laisses tes pissenlits faire leur job en premier. Ah ouais, ça nourrit les sols? Oui, en fait, ça a des immenses racines, hein, les pissenlits. C'est pas pour rien qu'ils sont difficiles à enlever. Et c'est en décompactant le sol avec cette grande racine-là, ça rend les nutriments plus accessibles aux autres plantes autour, comme le gazon. Ah, c'est intéressant ça, parce que tu pourrais t'imaginer que vu que ça a beaucoup de racines, ça prend beaucoup de nutriments, mais... Ben, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que ça reste une racine qu'on dit pivotante, un peu comme une carotte. Donc, ça, c'est pas tant, non, ça va pas tant faire de compétition aux autres plantes en soi. Et donc, c'est très ciblé comme façon de travailler le sol, mais ça a un impact sur le reste de la communauté végétale autour. Puis aussi, tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que... c'est que le pissenlit, c'est médicinal aussi, hein. C'est très bon pour nous. Donc, c'est très bon pour notre foie en premier, en fait. Donc, autant les jeunes feuilles au printemps, avant qu'elles fassent des fleurs, sont beaucoup moins amères. Puis, à la fin, complètement, la racine aussi, elle a beaucoup de propriétés hépatiques, donc pour le foie. Et les fleurs sont très bonnes, sont comestibles, sont très sucrées, justement, parce qu'elles sont très riches en nectar et en pollen. Et sincèrement, moi, un de mes breuvages préférés, c'est du vin de pissenlit. C'est délicieux. Du vin de pissenlit? Oui, c'est super bon. C'est comme, ça goûte presque comme de l'hydromel. Ah ouais? Ouais. Ben, je vais aller investiguer ça. Mm-hmm. C'est le fun. Du vin qui est bon pour le foie? Mm-hmm. Exact! T'as tout compris. Puis, si je me trompe pas aussi, le pissenlit, ça pousse tout le long de l'été, ouais? Ouais, ben ça a plusieurs floraisons, tu sais, puis on dit que la première est la plus importante, tu sais, on est un peu en mode compromis en ce moment, tu sais, si tu veux vraiment avoir après ça ton gazon vert, là, vas-y, mais attends après la première floraison des pissenlits, comme ça, après ça, il y a déjà plus de fleurs présentes pour les abeilles, mais sinon, moi, personnellement, le pissenlit, je le laisse fleurir tout le long de l'été, donc souvent, ouais, il y a 2 à 3 floraisons, tout dépendant la température et tout. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, je me promène dans mon quartier, tu sais, au printemps, au début de l'été. Ben, pas au début de l'été, plus au printemps. Puis il y avait beaucoup de gazon qui était justement, tu sais, laissé un petit peu en friche. Puis il y avait beaucoup de pissenlits qui poussaient un peu partout. J'avais l'impression que la campagne de sensibilisation avait fonctionné. Ah oui, vraiment. Ah, moi, j'ai vraiment été aussi impressionnée à ce niveau-là à Montréal. Bon, le Jardin botanique a commencé ça l'année dernière, mais là, cette année, ça s'est vraiment bien médiatisé, puis beaucoup de gens m'en ont parlé, beaucoup de gens étaient très fiers de me dire qu'ils ne tondaient pas leur gazon, ma coopérative a participé, plein de gens, et donc autant au niveau privé que institutionnellement, la Ville de Montréal en soi n'a pas tondu ces grands espaces gazonnés, puis ça fait une immense aussi différence, puis selon moi, chaque petit espace compte, parce que si on pense juste aux petites abeilles indigènes, contrairement à l'abeille domestique, la plupart des abeilles indigènes ne vont pas butiner à moins de 100 mètres. Hein, donc, elles doivent aller à 100 mètres à la fois pour trouver les fleurs importantes. Donc, chaque petit îlot de fleurie leur permet, en fait, de survivre. Donc, chaque pissenlit compte. Et est-ce que toi, tu as vu une différence vraiment dans, disons, les colonies d'abeilles ce printemps à cause de ça? Ou ça t'a aidé beaucoup en termes de ton expérience avec tes colonies? C'est une bonne question. Ben, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de pollen dans les ruches au printemps. T'sais, ça reste encore tôt. T'sais, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire un bilan rendu à l'hiver, t'sais, selon le nombre de kilos de miel qu'on a récolté. Puis, en fait, mon miel, je risque de le récolter dans 2 semaines. Je l'ai pas encore récolté. Je récolte pas le miel de printemps. J'attends la grosse mielée d'été avant de le faire. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pas encore un très bon facteur, mais en effet, j'ai des ruches qui vont très très bien et qui ont déjà accumulé énormément de miel à ce temps-ci de l'année. Donc ça risque d'être une très bonne saison au niveau du miel. Mais là en ce moment là, je te dis ça avec les 3 ruches que je m'occupe directement. J'ai hâte d'en parler avec toutes les autres apiculteurs de Montréal pour voir si mon impression est vraie. Ouais, on va attendre d'avoir comme les résultats à l'hiver. Ben oui. Ça va être intéressant. Il y a combien de récoltes de miel par année? Parce que moi, je me dis, ah, ils récoltent ça une fois, genre. Ben, c'est les apiculteurs qui décident. T'sais, comme je te dis, justement, encore une fois, à Miel Montréal, notre but, c'est vraiment pas de faire des grandes récoltes de miel, mais t'sais, les apiculteurs spécialisés là-dedans, ils vont, t'sais, c'est pas pour rien qu'on peut avoir du miel de trèfle, du miel de sarrasin, tout ça, c'est qu'ils calculent, selon les floraisons, quand récolter pour avoir un miel le plus monospécifique, donc d'une seule fleur à chaque fois. Parce que c'est très vendeur, les gens aiment beaucoup ça. Puis, mais bien entendu, il y a aussi plusieurs miels multifloraux qui sont aussi très bons. Moi, c'est juste ça que je mange quasiment. Mais bref, donc c'est à toi de décider. Mais c'est sûr que plus que tu récoltes souvent, plus ton miel va être varié, plus que tu peux t'assurer que c'est une fleur en particulier qui va dominer le miel. Ah, c'est pas fou ça, vu que il y a plusieurs floraisons d'espèces différentes au cours de l'année. Exact. Puis l'abeille domestique, c'est vraiment un peu une control freak là, dans le sens que elle est très contrôleuse dans sa manière de butiner. Elle ne va pas, elle va butiner une espèce de fleur à la fois. Donc, tu sais, dans un champ, absolument, il va y avoir plusieurs espèces, mais elle va faire tous les pissenlits en premier. Après ça, elle va faire toutes les marguerites. Elle va faire tout le trèfle par la suite. Donc, dans les quarts de miel, on peut quasiment s'assurer qu'un quart, c'est une espèce de fleur. Et lorsque, justement, c'est des grands champs d'une seule espèce, ben on peut s'assurer rapidement de que le miel va correspondre à celle-ci. Puis, par la suite, en fait, le pollen de la fleur, c'est un peu comme son empreinte digitale. Chaque pollen est unique à la fleur. Donc, on peut analyser au microscope le pollen dans le miel et savoir exactement qu'est-ce qu'il contient. C'est un peu étrange que l'abeille domestique soit « control freak » de même. Ouais, ben c'est, elle est très ordonnée. C'est une des façons pourquoi la colonie ça va si bien, hein. C'est que chaque ouvrière a sa responsabilité, dont une c'est juste de nettoyer tout, puis c'est tout est bien placé, tout est conditionné hein, à ce que ça fonctionne. Parce que s'il y avait un bris, s'il y avait ça commençait à être mal propre, ça prendrait peu de temps que en fait ça serait le chaos dans le colonie et tout le monde mourrait. Hein? Donc c'est vraiment l'ordre qui fait en sorte que la colonie se passe aussi bien et va être viable à long terme. On a mentionné le trèfle plus tôt. Le trèfle, ça aussi, ça a plusieurs floraisons pendant l'année, si je me trompe pas. Ben, en fait, c'est que ça va fleurir longtemps. Ça va fleurir de juin à septembre. Ouais. C'est des petites fleurs blanches. Exact, c'est ça. Oui, puis bon, en fait, ben là, on parle du trèfle blanc. Puis même là, il y a plusieurs types de trèfle blanc maintenant. Hein. On aime bien hybrider, nous, les êtres humains. Puis justement, ça, c'est un beau compromis hein, pour les personnes qui aiment, par exemple, une pelouse qui est bien courte. Ben maintenant, il existe le micro-trèfle. Donc, le micro-trèfle, ça fait vraiment un trèfle qui est très, très court. Et donc... pas besoin de le tondre jamais et votre pelouse va toujours être courte et verte. Donc, sincèrement, j'encourage tout le monde à se procurer du micro-trèfle. C'est maintenant dans toutes les bonnes quincailleries que vous connaissez bien. Bien entendu, le micro-trèfle a un petit sacrifice, c'est qu'il fait moins de fleurs que le trèfle normal, mais il va en faire quand même. Donc, moi, je trouve que c'est un bon compromis au gazon. Puis sinon, ben ça, le trèfle blanc, il pousse pas non plus très, très haut, là, tu sais, environ... 5 à 7 cm. Donc, moi, je trouve que ça va très bien, ça aussi. Puis, ça fait plus de fleurs blanches. Puis, bon, t'as d'autres types de trèfles qui poussent un peu plus haut, comme le trèfle rouge. Là, ça va 10 cm et plus. Donc, là, ça dépend des choix des gens. Moi, je le trouve très, très joli. Et on a aussi le trèfle incarnat, qui est un peu entre le trèfle blanc et le trèfle rouge, qui, lui, va être vraiment rouge-orange flash. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. Mais on peut pas se procurer encore, malheureusement, des aussi sous-gros sacs facilement que le trèfle blanc. Mais j'espère que ça s'en vient, parce qu'il y a quelques années, c'était difficile de se trouver des semences de trèfle, et maintenant, j'en trouve vraiment facilement. Donc, moi, j'ai espoir que de plus en plus, on va avoir accès aux semences de trèfle. Puis en fait, ce que j'espère qu'il s'en vient, j'aime ça faire l'appel aux jeunes entrepreneurs de temps en temps, mais il faudrait qu'il existe de la tourbe de trèfle. Donc, ça faciliterait énormément, je pense, le conditionnement des gens. Parce que reste que c'est ça qui se passe, c'est que les gens, ils trouvent ça facile de mettre de la tourbe de gazon. Puis c'est pas pour rien que c'est aussi populaire à mettre, c'est que d'un coup, bang, c'est vert. Mais c'est très demandant comme plante, le gazon versus le trèfle. Donc, si c'était aussi facile d'incorporer une tourbe de trèfle, donc, je pense que beaucoup de gens se tourneraient à cela plus facilement. Donc, voilà. En ce moment, je sais qu'il y a une compagnie, si je me souviens bien, à Terrebonne. Je sais pas si elle existe encore. Elle existait il y a 2 ans, en tout cas. 2, 3 ans. Qui faisait justement une tourbe moitié gazon, moitié micro-trèfle. Puis au fur et à mesure, ben le trèfle gagnait du terrain. Donc, moi, j'étais dans les aménagements que je faisais pour la ville, hein, puis que la ville reste très pro-gazon, mais c'était un beau compromis que je mettais de l'avant. C'est vraiment pas fou, de la tourbe de trèfle, là, quand même. Mais est-ce que tu peux juste comme faire une pelouse complète en trèfle ou... Ben, en ce moment, non, parce que c'est pas vendu par des commerçants, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, je pense que il faut... Parce que qu'est-ce que c'est de la tourbe de trèfle? De la tourbe de gazon, c'est simplement qu'on met... des semences de gazon d'avance, puis qu'on fait des tapis avec ça, qu'on vend aux gens. T'sais, c'est une sorte d'horticulture, là, la tourbe de gazon. Donc, il faudrait qu'il y ait des horticulteurs, une compagnie d'horticulteurs qui se mettent à faire de la tourbe de trèfle. Est-ce que c'est possible que, genre, des normes dans les quartiers soient contre, genre, avoir des pelouses en trèfle? Est-ce que c'est un obstacle, là, justement? C'est une bonne question. En fait, on dit pas qu'ils sont contre le trèfle, mais en effet, il y a des normes municipales qui font en sorte que le devant de notre maison doit être facilement accessible en cas d'urgence, que les pompiers, par exemple, puissent facilement défoncer ta fenêtre ou quelque chose de même. Puis que, en tout cas, moi, j'ai quand même des doutes que s'il y avait des plantes, là, les pompiers allaient faire « Ah oh non, je peux pas passer, je peux pas briser ta fenêtre ». Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, fait que c'est ça le raisonnement derrière. Mais le trèfle, Si les cours, je vois, c'est pas du tout un frein justement aux pompiers pour qu'ils puissent faire leur job. Ouais, parce qu'on entend souvent ça, comme ah, tu sais, le quartier veut pas que j'aille comme telle affaire dans ma. Ben c'est ça, il y a beaucoup de quartiers, puis on peut dire des condos, quoi que ce soit, qui encouragent à ce que la pelouse soit toujours entretenue. Mais la pelouse peut être très bien entretenue en teintant du trèfle, même que c'est beaucoup plus facile d'entretien que le gazon. C'est juste que les gens pensent pas nécessairement à cette alternative-là rapidement. Est-ce que tu penses qu'une mobilisation qui est plus accrue cette année comparée aux autres pour sauver les abeilles, penses-tu qu'il y a une amélioration de justement la connaissance des problèmes liés aux abeilles? Oui, je pense que vraiment le lien abeille-fleur est de plus en plus direct pour la plupart des gens. Donc moi, ça me donne beaucoup d'espoir. On me demande beaucoup en conférence pour justement parler de comment faire des jardins pour les pollinisateurs, qui est clairement une des grandes solutions que Miel Montréal on met de l'avant, justement. Et donc ça me donne beaucoup d'espoir, parce que longtemps, on pensait que mettre une ruche en ville, c'est ça qui sauvait les abeilles. De plus en plus, les gens réalisent qu'en effet, ça, c'est juste amener plus d'abeilles dans un environnement pas nécessairement sain pour elles. Et ce qu'il faut faire en premier, c'est rendre l'environnement sain, et donc en y ajoutant des fleurs. Ouais, c'est ça, c'est une question que j'avais tantôt que j'ai oubliée. Ça prend combien de fleurs pour nourrir comme une abeille ou une ruche? Ouais, donc il y a juste une étude en ce moment qui s'est faite sur l'apiculture urbaine en soie à Londres. Puis en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'une ruche a besoin de 7 hectares de trèfle ou 1 hectare de lavande. La lavande, qui est comme la fleur qui fait le plus de nectar, là, qui est très très riche en nectar, alors que le trèfle, on dit, c'est un peu la fleur moyenne, hein, qui fait comme la quantité de nectar standard. Donc en effet, donc une ruche a besoin de 7 hectares de trèfle. On est très très loin de ça à Montréal, hein, pour nos 2000 ruches, avoir 7 hectares de trèfle chaque, on est vraiment vraiment loin. Il faudrait que la plupart de nos rues soient tapissées de trèfle et tout le Mont-Royal, et même ça, c'est pas encore le cas. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour, mettons, parler aux élus ou t'envoyer des lettres en à quelqu'un? En fait, la ville de Montréal est devenue amie des abeilles l'année dernière. Donc, elle est très au courant qu'elle doit faire plus d'efforts de ce côté-là, mais c'est de l'encourager à accélérer les processus, hein, bien entendu. Plus qu'on parle aux élus de notre intérêt à changer tout, tu sais, parce que la ville de Montréal a un gros poids à jouer dans leurs aménagements, à les rendre les plus bons pour les pollinisateurs possibles. Et je pense vraiment qu'ils ont la volonté, mais le temps que ça va prendre pour changer toutes les mentalités, c'est long. Donc, c'est sûr que plus qu'il y a de citoyens et citoyennes qui les encouragent à accélérer les processus, et plus ça va se faire rapidement. Ben, c'est intéressant. On va essayer de... Bon, en tout cas, moi, je pense que je vais écrire à mon élu municipal pour dire « Hey, faut faire de quoi pour les abeilles, plus concrètement. » Est-ce que Miel Montréal a des choses qui se passent en août? Ben oui, je dirais qu'il y a deux petites choses qui se passent, une plus ludique et une plus éducative, je dirais. Donc en fait, à partir du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, il y a une initiative en fait d'une équipe de Donjons Dragons qui s'appelle « Pour une poignée de pièces d'or » que vous pouvez retrouver sur Facebook, qui font une campagne de financement pour Miel Montréal. Donc à chaque fois que vous participez à leur séance de Donjons Dragons, vous pouvez donner un peu d'argent à Miel Montréal en même temps. Donc, c'est vraiment une façon très ludique de participer au changement pour les pollinisateurs. Et sinon, il y a l'école d'été d'agriculture urbaine au mois d'août, donc du 15 au 18 août, qui est donnée par le laboratoire de l'agriculture urbaine. Et Miel Montréal va donner une conférence justement sur le lien entre l'apiculture urbaine, l'agriculture urbaine et toutes les réflexions qu'on a parlé aujourd'hui, mais en plus grande profondeur. Ben, c'est excellent, ça. On va aller voir ça. Excellent. Ben, merci beaucoup, Gabriel, pour toujours ce bon temps partagé. Ben, merci d'être venu. Je sais que t'es bien occupé, fait que c'est toujours comme plaisant de parler à toi de ces magnifiques petites bestioles qui sont les abeilles. Ça m'a fait plaisir. Merci.